Chapitre 2. Tenant à la main sa casquette de soie noire et un panier d'osier, dont s'allongeait l'aisance, le fermier s'avança vers Cyril, qui le reçut avec un bon sourire d'homme content. « Vous n'avez pas eu peur de vous enrhumer avec ce sacré brouillard ? Tout de même, c'est un fichu temps. »« Ne m'en parlez pas, » répondit le fermier, « nous en sommes désolés. Hier, il faisait beau, j'ai fait faucher. À la tombée de la nuit, c'était quasiment sec, et ce brouillard-là va nous retarder. » Sans compter que le foin pourrait bien être perdu si d'ici tantôt le soleil ne se montre point. Ça pourrit et ce n'est pas plus bon qu'à faire de la litière. » Il lâcha ses phrases lentement, s'apitoyant et geignant, marchant avec un balancement des bras gêné par le bouffant de sa blouse bleue, toute neuve et luisante, où perlaient, au pli, des gouttelettes claires de brouillard condensé. Le propriétaire se retourna vers le batelier qui se tenait à sa gauche et lui dit: « Les gens heureux, ça se plaint toujours. » Le batelier ricana sans rien répondre, avec un clignement d'yeux à l'adresse du fermier qui répondit: « Vous croyez, salaud de maître, que c'est heureux que de perdre deux vaches dans la même semaine ? Vous avez perdu deux vaches ? Oui, et qui a les vêlées ? C'est pitoyable. J'en aurais quasiment pleuré. Le vétérinaire est venu, il y a de ça 15 jours, et il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. » Et il soupira en ajoutant, après une pause: « Je comptais les vendre à la foire de Caudebec pour nous faire un petit peu d'argent. Ah, nous sommes bien éprouvés tout de même. » Le propriétaire ne répondait plus rien, un peu inquiet, et se demandant si ses plaintes n'étaient point pour le préparer à une fâcheuse nouvelle. Le fermier, au dernier terme, avait eu bien du mal à lui donner les 500 francs échus. Il ne l'avait payé qu'en 2 fois, à 15 jours d'intervalle. Cette fois, ce serait autre chose, bien certainement. Il n'avait pas un sou à lui donner. Tous trois suivaient le chemin qui longe la Seine, s'enfonçant dans le brouillard qui les aveuglait. Une sonnette à timbre lourd vibra, et le grincement d'une grille de fer tournant sur les gonds. « V'là notre maîtresse qui ouvre sa porte, » dit le fermier, pour rompre le silence. « Ouvre-la chez vous, à revoir, » dit le batelier, en leur donnant à tous deux une poignée de main. « Au revoir, père Cendré, et je vous souhaite beaucoup d'English pour demain. »« Il n'est pas trop tôt que vous arriviez, » cria madame Goron, petite bonne femme, maigre, d'une 40aine d'années, en apercevant le fermier avec son mari. « Avec ce temps-là, » répondit le fermier, « et vous allez bien ?»« Merci, et chez vous ? Votre femme n'a pas pu venir avec vous ?»« Ah, vous savez, il faut bien soigner les bestiaux, et quand on s'en va tous deux, ça ne marche pas. Les domestiques, on ne peut pas compter sur eux. » « C'est bien vrai, ma foi. » Tous trois traversaient le petit jardin qui séparait la maison de la porte d'entrée. « Ah, vous avez de jolies fleurs, vous, » dit le fermier. « Chez nous, je ne sais pas comment ça se fait, on ne peut pas en avoir. Et puis, il faut des soins, on n'a pas de temps seulement de planter de la salade. Tout de même, voilà des jolies roses. Je vous en cueillerai un bouquet tantôt pour votre femme, » répondit la propriétaire, s'efforçant d'être aimable. « Mais vous êtes bien honnête, ça lui fera plaisir. « As-tu préparé le déjeuner ?» interrompit Cyril. « J'ai une faim mortelle. Il y a longtemps qu'il refroidit. » « Tenez, Roulant, » dit madame Goron à son fermier, « donnez-moi votre panier, que je vous en débarrasse. »« Vous pouvez le prendre, c'est pour vous ce qu'il y a dedans. »« Ah, il est lourd, vous allez vous faire du mal au bras. » Comme le fermier apportait toujours des rouleaux de pièces de 5 francs, Cyril se dérida. Décidément, Roulant allait le payer. Tout allait bien. Aussi dit-il aussitôt, « Mais non, laisse-lui son panier, nous déjeunerons d'abord. Va chercher une bouteille de vin. Ça ne fait pas de mal, un petit verre après la soupe. » « Ah, » répondit Roulant, « on dit que c'est très sain. » Ils entrèrent dans la salle à manger, dont le pavé avait été fraîchement lavé et où une fraîcheur montait aux narines. Les deux hommes s'étant assis, madame Goron sortit et revint de la cuisine, portant la soupière en cailloux pleine de bouillon fumant où baignaient de larges croûtes dorées. Une grosse femme de ménage, court vêtue, la suivait, tenant sur chaque main un énorme plat. Dans l'un des légumes, dans l'autre le bœuf bouilli, décoré de persil. « Oh !» dit le fermier, « vraiment, vous faites trop de frais pour moi. »« Vous savez, » répondit madame Goron, « c'est tout ce qu'il y a avec un petit rôti. » Le potage fut déclaré excellent, et pendant 5 minutes, il ne fut pas prononcé une parole. Cyril se tourna bientôt vers la croisée. « On dirait que le brouillard va se lever. »« Ce ne serait pas dommage, » remarqua le fermier, « mes pauvres foins auraient bien besoin d'être promptement rentrés. » « Est-ce qu'on les vend bien en ce moment ?» interrogea Cyril. « À Caudebec, mardi dernier, on en a ramené plus de 10 charrettes, on n'avait pas seulement à marchander. C'est comme les bestiaux, ça ne veut pas du tout. Les pommes non plus. Il en arrive maintenant d'Amérique à ce qu'on dit. L'autre jour, il est passé 3 grands bateaux de suite qui s'en allaient à Rouen. Et pendant que se lamentait ainsi le fermier, Cyril et sa femme se regardaient rapidement, avec une interrogation anxieuse. Tout de même, si le fermier ne leur apportait pas la totalité de la somme attendue, comment ferait-il? Et cela était possible. S'il se plaignait ainsi, ce n'était pas sans raison. « Ah oui, continuait-il, les pauvres fermiers sont bien à plaindre. Vous ne vous en doutez pas, vous. »« Vous croyez, dit Madame Goron, ce n'est pas tout rose non plus de vivre en petit rentier. Allez, tout est d'une cherté maintenant. »« Et les impositions qui augmentent tous les ans, ajouta Cyril. Et ceci et cela. J'ai fait encore mettre des tuiles à la maison. C'est un prix fou. » Ça, c'est vrai que c'est cher, répondit le fermier. Et pourtant, il y aurait bien besoin de réparations à la grange. Mais ça ne presse pas. On peut attendre. Il baissait la voix, voyant le mauvais effet de cette révélation. Ah, les réparations, dit Cyril, c'est la ruine. C'est ça, la ruine. Et vous n'êtes pas venu une seule fois sans en demander. Ça me coûte cher à chaque fois que vous passez l'eau. Et à moi donc, riposta le fermier en riant. Les deux hommes s'esclaffaient. Madame Coron plissait ses lèvres en montrant ses dents mal plantées, mais que blanchissait l'acidité du cidre. Enfin, la femme de ménage apporta le café et un cruchon de grès plein d'eau-de-vie de cidre. Goron alluma sa pipe et offrit un cigare d'un sou au fermier, qui le refusa d'abord, puis l'accepta devant l'insistance de son maître. « On n'en fume pas tous les jours, » dit-il. Madame Goron sortit. Alors le fermier se levant, alla chercher son panier qu'il avait déposé en entrant sous une chaise et se rassit en le plaçant sur la table. « Ah ah, vous n'avez pas oublié nos petites affaires !» Cyril mit de côté le sucrier, le cruchon et sa tasse, et de la paume de la main, frotta la nappe, maculée de taches de vin et de mie de pain. Le fermier tira de son panier un petit sac de toile, et l'ouvrant, fit tomber sur la table un tas de pièces de 100 sous en argent. Les yeux de Cyril eurent un éclair vif. Sa femme revint bientôt, ayant entendu le bruit métallique. Elle souriait sans rien dire à son fermier, voulant paraître aimable. Alors le fermier compta les pièces et les mit en pile que recomptait Cyril. 1, 2, 3, 4, 5, le compte y était. Madame Goron tira du tiroir un porte-plume, un encrier et une feuille de papier blanc qu'elle tendit à son mari. Avec un air de gravité, Cyril écrivit en disant « Et ça va me coûter 2 sous de timbre ». Madame Goron regardait les piles d'écuets tour à tour, le fermier et son mari. Cyril tendit le reçu à Roulant, qui l'ayant lu, le plia et le mit dans sa bourse en cuir, fermée par des cordons et souliers. « Encore une goutte, voyons, dit Cyril. Ce n'est pas de refus. Pendant ce temps-là, ma femme va aller cueillir un bouquet pour la vôtre. » Cyril était épanoui. Roulant, décidément un brave homme, l'avait payé. Mais c'était au mieux. Mais Madame Coron ne bougeait pas. Et serrant les lèvres, comme émue, elle dit à son mari. « Si tu es payé, toi, je ne le suis pas, moi. » Tu ne t'aperçois pas que Roulant a oublié probablement d'apporter. » Mais elle se tut en voyant Roulant tirer son mouchoir pour essuyer de grosses larmes qui coulaient sur ses joues ridées. Les époux Goron se regardaient interdits. « Voyons, mon pauvre Roulant, qu'est-ce que vous avez donc? C'est pas raisonnable de pleurer comme ça. » Et le fermier continuait à sangloter. L'émotion gagnait Cyril, au visage duquel le sang affluait. « Je sais bien, finit par hoqueter Roulant, que je dois vous apporter une grosse dinde à chaque terme. C'est dans le bail. C'est dû. Mais cette fois, pour arriver à faire les 50 pistoles, ma femme est allée à Caudebec vendre tous les poussins, et toutes les poules, et tous les picots. Il ne nous reste tant seulement pas un canard dans le ruisseau. » Cyril tapa sur l'épaule du fermier d'une façon amicale, et pour le consoler. « Allons, c'est tout ça? Eh bien, c'est gentil ce que vous avez fait. » « Mais vous auriez dû me le dire, nous aurions arrangé ça. »« Voyons, je ne suis pas si dur que ça. Vous allez voir. » Et se tournant vers sa femme. « Dis donc, va me chercher le bail. Il est dans le tiroir de ton armoire. » Alors il versa dans deux verres une pleine rasade d'eau de vie de cidre et en tendant un à Roulant. « Avalez celle-là, elle ferait revenir un mort. » Madame Goron rapporte le bail, une liasse de papier timbré où s'étalait une écriture bêtasse et régulière de clerc, de notaire campagnard. Cyril le prit et, feuilletant lentement, arriva à ce paragraphe. Le prenant est tenu d'apporter à chaque terme échu une poule d'Inde ou un dindon, du poids minimum de 8 livres pour l'usage du susnommé Goron. Cyril le lut à haute voix, et, à l'ébahissement de sa femme, qui n'osa protester, quoique surprise désagréablement, biffa d'un trait de plume ces lignes qui avaient tout à l'heure arraché des larmes au fermier. Il ajouta « C'est comme ça que je suis, moi. Quand vous reviendrez, vous apporterez votre double du bail, et je bifferai dessus aussi. En signant dans la marge, c'est valable en justice. » Cyril paraissait surpris que cet acte de générosité ne précipita point le fermier dans ses bras. « Il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui en auraient fait autant, » se disait-il, et il se rehaussait à ses propres yeux avec une satisfaction qui lui donnait des battements plus vifs du cœur. « Eh bien, êtes-vous consolé ? » dit-il à Roulant. « Ça va donc mal, décidément. » « Moi, je n'y comprends rien du tout. Il me semble qu'avec la terre que vous avez, et la grandeur du terrain, on doit pouvoir en retirer quelque chose, quand le diable y saurait. » « Les pauvres fermiers sont bien malheureux, allez, » répondit Roulant. « Non, c'est pas tout rose. Ça ne peut pas continuer de cette façon. » Il tirait de sa poche un rouleau de papier recouvert d'un nouveliste de Rouen. « Qu'est-ce que ça, Figueron ? Tiens, votre bail, vous l'aviez apporté ?» Roulant était gêné. Il cherchait des mots pour dire une chose qui lui semblait difficile à exprimer sans que le propriétaire s'emportât. « Enfin !»« Là, notre maître, dit-il, c'est pour le relire ensemble. J'ai encore un an à faire dessus. J'ai plus que du mal à arriver à joindre les deux bouts. Je viens, si vous vous tenez à ce que je reste, nous arranger pour une petite diminution. »« Ah ça non !» s'écria Madame Goron. « Tu feras ce que tu voudras, mais moi, je trouve que c'est bien assez de ce que tu viens de biffer. Ma parole, faudrait peut-être payer les fermiers pour qu'ils viennent faire valoir votre bien. » Et elle parlait, gesticulant, avec une insolence furieuse dans le geste et le regard. Voilà ce que c'était que d'être trop bon. On n'en finissait pas. Donnez-en long comme le doigt, on en prend tout de suite long comme le bras. Et elle l'avait vue, la ferme. Elle n'avait pas peur de passer l'eau. Elle y était allée un dimanche du mois passé, pendant que toute la famille Roulant était au vêpres, et elle avait été édifiée. Ce n'était pas étonnant si on y faisait à peine ses frais. Les haies mal closes, les bestiaux se promenant dans les propriétés voisines, les domestiques non surveillés, couchés au pied d'un arbre, avec un pot de cidre entre les jambes, cuvant une ivresse. Les servantes courant les petits sentiers à la nuit tombante avec les beaux lurons du bourg. Les chemins mal entretenus, les murs des bâtiments couverts de lierre, qu'on ne coupait jamais, et qui entretenaient l'humidité. Des orties partout, à la porte même de la maison, dans les tables, du fumier sous les pieds des vaches malades, les moutons ayant tous la cocotte, faute de soins. Dans la laiterie, le lait qu'on laissait sûrir, sans l'écrémer. Ah, c'était un beau gâchis. Elle avait vu, elle avait tout vu, et avec une impitoyable énergie, elle jetait tout cela à la face du malheureux fermier qui ne répondait pas, sachant, au fond, que la propriétaire avait raison. Et si c'était ainsi, pourquoi l'en rendre responsable? Elle continuait, adoucie un peu. Elle savait bien que ce n'était pas de sa faute à lui, mais il manquait d'énergie. Il n'était pas maître dans sa maison, et un peu paresseux aussi. Ah, elle savait ce que c'était que la campagne. Fille de fermière, elle en avait vu de toutes sortes, et c'est elle qui ne serait pas embarrassée pour tirer de la ferme tout ce qu'elle pourrait donner, payer le propriétaire, les frais de la maison, et mettre de l'argent de côté par-dessus le marché. Roulant était accablé. Cyril, gêné, vidait ses verres d'eau-de-vie, sitôt remplis, et lançant au plafond des ronds de fumée, envoyé par petits gestes à sa salive jaunâtre sur le pavé. Sa femme s'en aperçut et lui dit brusquement « Je t'ai déjà défendu de fumer la pipe quand j'ai lavé ma salle. C'est bon à la cuisine de faire des saletés, mais pas ici. » Cyril se tourna vers le fermier en souriant. « C'est qu'elle n'est pas commode quand elle s'y met, hein? Un vrai cerbère. Voyons, tout ça ne nous regarde pas, » ajouta-t-il en regardant sa femme. « Chien de charbonnier est maître dans sa loge, pas vrai? Pourvu que Roulant nous apporte les termes, c'est tout ce qu'il nous faut. » Qu'il s'arrange comme il voudra. Ah, vraiment, reprit Madame Goron, tu trouves ça? Et tu crois que la terre n'en souffre point? Quand notre ferme sera dépréciée, tu seras bien avancé. Roulant essaya de protester, mais elle continua. Taratata, vous me direz que vous avez mis du fumier au pied des pommiers que nous avons plantés? Hein? Et que les arbres que vous taillez jusqu'au faîte pour vous faire du bois? Au lieu de cela, vous ne devriez pas couper les gourmands qui sortent des greffes des pruniers? « Ce que vous avez bien le temps de faire. C'est pas malin, en passant on tire son couteau. Mais non, et le foin dont vous parliez tout à l'heure, si vous l'aviez coupé il y a 8 jours, vous n'auriez pas à craindre que le brouillard le mouille. » Les deux hommes se tournèrent vers la fenêtre. « Tiens, il n'y a plus de brouillard, » fit Cyril. Madame Goron sortit de la salle en maugréant. Tout de même, elle est dure, notre maîtresse, et dire qu'on a tant de mal, gémit le fermier. Enfin, je vais m'en aller. » Il prit son panier, frappa de la main sur le devant de la blouse pour faire tomber les miettes de pain restées dans les plis, et ouvrant la porte. « Ah, quant à ce qui est de la petite diminution, faut pas y compter, je vois ça. Ma femme n'a pas l'air d'y être tout à fait disposée, non. Eh bien, alors je ne vois pas qu'il y ait de grands moyens de continuer. Après tout, on est de revue, n'est-ce pas? On en recausera. » Ils sortirent, et en passant le couloir, Roulant cria « Au revoir, Madame Goron !» Mais la propriétaire, qu'on entendait cependant ranger la batterie de cuisine et causer avec la servante, ne répondit pas. Le soleil faisait scintiller le sable des allées du jardin, où les roses rouges piquaient leur ton cru sur la verdure. « Ça fait quasiment mal aux yeux à côté de ce matin, » dit Roulant. « Oui, il y a de la différence, » répondit Cyril. « Mais vous allez pouvoir rentrer votre foin, c'est le principal. Allons, le bonjour chez vous. » Et le laissant ouvrir et fermer la grille, à travers laquelle se voyait un coin de Seine bleue, il rentra chez lui. Sa femme l'attendait à la porte de la salle, ayant regardé par le coin des rideaux ce qui se passait dans le jardin, pendant qu'il avait reconduit le fermier. « Et tu crois, dit-elle, que j'allais lui donner des roses ? Ah bien ! Enfin, il a payé, c'est tout ce que je demande. Oui, mais je comptais sur la dinde, pour le dîner de demain. Au surplus, nous ne sommes pas embarrassés. S'il n'en veut pas pour le même prix, je ne tiens pas à lui. On la mettra à louer, la ferme. D'ici un an, c'est bien dommage, il ne vient pas quelqu'un pour la demander. En l'affichant dans les journaux de Rouen. »